Le père de Sainte-Thérèse par Céline. Le retour en famille. L'exil de notre bon père se prolongea jusqu'au mois de mai 1892, où, la paralysie ayant immobilisé les jambes, il nous fut enfin possible de le soigner nous-mêmes. D'ailleurs, il est à remarquer que, jusqu'en ses crises d'agitation ou de tristesse, jamais il ne manifesta des sentiments de révolte, ni des procédés violents ou déplacés. C'est ce qui le rendait si touchant et sympathique, au sein même de ses infirmités. Ce fut le mardi 10 mai que notre oncle, M. Guérin, alla le chercher à Caen. À cette date, ma tante racontait le fait à sa fille, Madame Lanéil, alors en voyage avec son mari. « Ton petit père est allé aujourd'hui même à Caen chercher ton oncle, et il nous a ramené ce bon monsieur Martin à 4 heures. Le voyage s'est très bien passé. Le moral est aussi bon que possible, mais ses pauvres jambes ne peuvent plus le soutenir. Il fallait le porter dans la voiture. Il a pleuré tout le temps et paraît si heureux d'être au milieu de ses enfants. Il est bien installé chez nous. Céline et Léonie sont bien heureuses, elles désiraient ce jour depuis si longtemps. Pendant le trajet, papa était si touché de voir son beau frère s'occuper ainsi de lui, qu'il lui dit, plein de reconnaissance, « Au ciel, je vous revaudrai cela. » Mon oncle en a été très ému. Toute la famille Guérin nous aidait à l'entourer, et notre tante, pleine de vénération pour le cher malade et pour la mère qu'elle remplaçait près de nous, écrivait à Thérèse, « Tes parents, ma petite Thérèse, sont de ceux qu'on peut appeler des saints et qui méritent d'enfanter des saints. » Le jeudi 12 mai, on conduisit notre père au Carmel, où ce fut sa dernière visite, car on redoutait trop de l'émouvoir. Quand, au moment de se séparer, les carmélites lui dirent au revoir, il leva les yeux, montra du doigt le ciel et resta ainsi bien longtemps, n'ayant, pour traduire sa pensée, que cette parole prononcée d'une voix pleine de larmes. « Au ciel !» Madame Guérin relatait ainsi cette entrevue à sa fille Jeanne. « Ton oncle va toujours aussi bien que possible. Il passe tous ses après-midi dans le jardin, assis. Il a très bien reconnu toutes les personnes de la famille, mais c'est au Carmel surtout que c'était touchant. On l'y a conduit jeudi, on aurait dit que la journée était choisie, et je crois, en effet, que le bon Dieu l'avait béni, car c'est la meilleure qu'il ait eue. Il paraissait avoir conscience de tout ce qui se passait. Les carmélites ont été bien heureuses de voir leur père, mais après, les larmes qu'elles avaient contenues ont pris leur cours. Elles l'ont trouvé bien changé, et cependant ici, on le trouve moins changé physiquement qu'on ne le pensait. Enfin, toutes sont bien reconnaissantes. C'était touchant même de voir la manière dont elles l'ont exprimé à ton père. En juin, la famille Guérin faisait un reposoir au Saint-Sacrement, le deuxième dimanche de la fête Dieu. Il était organisé dans le vestibule de la maison, et l'autel donné près de la porte ouverte du bureau de mon oncle. Tous, nous nous rassemblions là, et, cette année, notre cher petit père était entouré de toute sa famille comme d'une couronne. Quand l'archiprêtre de la cathédrale, Monsieur le chanoine Roué, eut béni la foule, il entra dans l'appartement et posa l'ostensoir sur la tête vénérable de notre père chéri. Oh comme il était un tabord agréable à Dieu! En présence de l'hostie, des larmes brillèrent dans ses yeux. Quelque temps après, pour nous assurer plus de liberté, notre oncle loua une petite maison, rue Labbaye, numéro 7. Elle donnait juste en face de la porte cochère de son jardin, dont j'avais la clé. Aussi, étions-nous très souvent chez lui, pour ne pas dire toujours. Nous conduisions papa dans sa petite voiture de paralytique, et nous avions pris un ménage pour nous aider à le soigner. Notre père occupait une pièce au rez-de-chaussée de la maison, car on ne pouvait songer à le faire monter à l'étage. Il y fut aussi heureux que possible. Son domestique, Désiré, avait un caractère très gai, il était grand. Et papa, dont les bras étaient libres, n'avait qu'à lui en passer un autour du cou pour quitter sa voiture ou se lever de son fauteuil. Toutefois, cette opération le faisait souffrir. Ses pauvres jambes, demeurées raides, étaient incapables d'aucun mouvement et ne lui permettaient pas de se tenir debout. Par ailleurs, il prenait intérêt à tout ce qui se passait autour de lui et ses dernières années furent relativement douces. Il parlait peu et observait plutôt, jugeant sainement les choses. Ainsi, quand il a pris la première élection, comme prieur, de Mère Agnès de Jésus, Sainte Pauline, le 20 février 1893, il s'exclama aussitôt, elle ne pouvait faire un meilleur choix. Une autre fois, ayant remarqué un défaut de conduite chez les domestiques de mon oncle, il ne voulut pas, par délicatesse, me le révéler, mais me pria d'appeler son beau-frère pour qu'il y mît ordre promptement. Un jour, nous avions parlé devant lui de sa petite voiture de malade, qui nous était prêtée, et de l'espoir que nous avions d'en trouver une à acheter. Lorsque celle-ci fut en notre possession, il en exprima son contentement, de telle sorte que j'en fus très surprise. Il avait, sans que nous nous en doutions, suivi nos conversations à ce sujet. Il en fut ainsi dans plusieurs circonstances, où nous pûmes le constater avec étonnement. Ce qui nous donna à penser que, par instant, notre cher infirme avait la faculté de réaliser son impuissance et souffrait de ne pouvoir témoigner extérieurement ses pensées et ses sentiments, car son âme n'avait pas cessé d'être profonde et poétique. Ainsi, il aimait à écouter les mélodies jouées sur le piano par sa filleule, Marie Guérin. Il serait bien resté là, suspendu, fort longtemps. En me rappelant combien il montrait encore de vertu jusqu'en ses absences et sa faiblesse, je songe à la parole de Jérémie. Heureux l'homme qui se confie dans le Seigneur et dont le Seigneur est l'espérance. Il sera comme un arbre planté au bord des eaux, qui étend ses racines vers l'humidité. Il ne sera point en peine au temps de la sécheresse et il ne cessera jamais de porter du fruit. Le 26 juillet 1892, je donnais ces nouvelles à Madame Lanéil. Papa va à peu près, je n'ose pas dire très bien, car il a eu plusieurs jours très tristes, il lui prenait des angoisses poignantes, et des crises de larmes, qui me déchiraient le cœur. Aujourd'hui, il est gai, alors je respire. Hier, il nous disait, ô mes enfants, priez bien pour moi. Puis, il m'a dit aussi de demander à Saint Joseph qu'il meure enceint. Le 23 juin 1893, Léonie se rendit à Caen pour faire une retraite à la Visitation, avec le désir d'y rester pour un nouvel essai. Elle y demeura, en effet, jusqu'après la mort de notre père. L'année précédente, où papa nous avait été rendu, on n'avait pas cru possible de le conduire à la Musse, à cause des difficultés du transport. Il fallait, avec mille précautions, emmener le cher malade avec, au bagage, son lit de paralytique et sa petite voiture d'infirme. En ce temps-là, il n'y avait pas d'auto, il fallait utiliser des voitures plus ou moins commodes et le chemin de fer pour y installer le malade. La propriété était assez loin de la gare. Une fois arrivé devant la maison du concierge, il restait encore à faire 3 kilomètres d'une route en lacet qui aboutissait au plateau. Mais pour l'été 1893, mon oncle tint à tenter l'expérience qui réussit fort bien. Mon oncle est radieux depuis qu'il est ici, notait, peu après, Marie Guérin, à sa sœur, Madame Lanéil, il s'y plaît bien mieux qu'à Lisieux, dit-il. Nous lui faisons faire, Céline et moi, des promenades dans le bois, mais ce qui le distrait beaucoup c'est de regarder la belle vue. L'autre jour, il ne se lassait pas de la contempler avec ravissement. Le 3 juillet, j'écrivais moi-même à mes sœurs, je sais tout le bonheur que vous éprouvez à recevoir des nouvelles de papa. Il va toujours bien, mais le jour où j'ai écrit à notre mère, Mère Marie de Gonzague, on la nommait toujours ainsi, bien qu'elle ne fût plus prieure, était exceptionnel. Je ne l'avais jamais vu comme cela et je me souviendrai toute ma vie de son beau visage quand, le soir, à la nuit tombante, dans le fond du bois, nous nous sommes arrêtés pour entendre le rossignol. Il écoutait, avec une expression dans le regard. C'était comme une extase, un je ne sais quoi de la patrie qu'il se reflétait sur ses traits. Puis, après un bon moment de silence, nous écoutions toujours et j'ai vu des larmes qui coulaient sur ses joues chéries. Oh la belle journée! Depuis, il va moins bien, cette consolation extraordinaire ne pouvait pas durer, et pourtant, malgré tout, que ces derniers jours sont doux, qui aurait pu le penser? Le bon Dieu agit envers nous avec une ineffable bonté. Licence Creative Commons CC 3.0F. Pas d'usage commercial. Partage à l'identique. markendanarchive.org. D'après, phpbbserver.com/forum michael/monique.